premier temps ce matin d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la Fabrique de l'Information. Ce lundi, nouvelles et rumeurs à la veille de la Révolution française avec l'historien Robert Darnton. Demain, nous reviendrons dans le documentaire sur une autre affaire Dieudonné, du nom d'Eugène Dieudonné, membre supposé de la bande à Bonneau. Mercredi, notre émission d'archives s'intéressera à la façon dont le pouvoir a pu retenir, à une certaine époque, la nouvelle, par exemple, de la mort du roi pour éviter le déclenchement d'émeutes. Et jeudi, nous débattrons de la fausse information de la Gazette à Twitter. Et aujourd'hui, eh bien, c'est avec un immense plaisir que nous recevons ce matin un grand spécialiste, un très grand spécialiste même de la circulation des vrais et surtout des fausses nouvelles au XVIIIe siècle, Robert Darnton, auteur de dizaines de livres sur le XVIIIe siècle et plus particulièrement pour celui qui nous intéressera aujourd'hui, Du diable dans un bénitier, l'art de la calomnie en France entre 1650 et 1800, traduit de l'anglais par Jean-François Sonnet et édité dans la collection NRF Essai chez Gallimard. Un extrait de l'ouverture d'Orphée et Eurydice de Gluck. Bonjour à vous, Robert Darnton. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation lors d'un passage éclair en France pour ouvrir cette série d'émissions que nous consacrons à la fabrique de l'information dans la fabrique de l'histoire. Cette fabrique de l'information, vous la connaissez surtout, mais pas seulement, on y reviendra avec vous plus tard, pour le 16e, 17e, 18e siècle, qui sont siècles de référence. Et vous avez eu à la connaître à partir du moment où vous avez dû choisir entre deux métiers. Le métier de journaliste et le métier d'historien. Vous étiez jeune journaliste au New York Times, vous occupant des faits divers et en même temps commençant à travailler sérieusement comme historien après être passé à Oxford. Et vous avez dû choisir et vous avez choisi le métier d'historien plutôt que celui de journaliste. Et que déjà, les nouvelles vous décevaient à ce moment-là, Robert Darnton? Décevait, je ne sais pas. Mais vous savez, il y a chez nous une sorte de, comment dirais-je, slogan qui veut dire que le journal d'aujourd'hui, c'est la première rédaction de l'histoire. J'y croyais, je n'y crois plus. À mon avis, les reportages sont des histoires sur des événements, mais le journal n'est pas une fenêtre claire qui nous donne à voir la réalité. Donc, je suis fasciné par les journaux, mais je les traite comme des évidences de sentiments, des façons de raconter, des récits, etc. Mais ce n'est pas autant d'objets de réalité. De vérité, en l'occurrence. C'est oui. Un regard porté sur un événement, mais ça n'est pas une vérité dont on pourrait se servir pour pouvoir, justement, en tant qu'historien, repartir à partir de ces faits-là, racontés dans le journal, pour se dire, voilà la vérité de ce qui s'est passé. À mon avis, on peut les utiliser, mais comme autant d'évidence de ce qu'on racontait à cette époque-là, donc pour mieux connaître les mentalités, etc. Et il y a des traditions journalistiques, j'en sais quelque chose, puisque tout le monde dans ma famille travaillait pour le New York Times. Votre père, que vous avez peu connu parce qu'il est mort lorsque vous aviez 3 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Votre mère aussi, qui travaillait pour le New York Times. Le New York Times également. Et mon petit frère, grand journaliste que j'aime beaucoup. Donc nous étions entouré de nouvelles, mais nous étions conscients du fait qu'il faut se former comme journaliste, connaître les méthodes, les façons d'écrire des articles, etc. La première ligne a toujours une certaine allure qui est très différente de la première ligne d'une lettre, d'un roman, etc. Donc, je vois le journalisme comme fascinant, mais pas comme un chemin direct à la vérité. Est-ce que c'est parce que vous avez commencé dans un journal qui s'appelait New York Star Legend, je crois, oui. Qui était un journal qui, à votre avis, n'était pas de très grande qualité, qui s'occupait de la police, qui s'occupait oui. des faits divers, et que vous avez vu, justement, dans ce journal, les travers, pourrait-on dire, que vous allez pointer en tant qu'historien dans tout un tas d'autres libelles ou journaux du XVIIIe siècle, Robert Darnton? Oui, à cette époque-là, c'était, si je me souviens bien, en 1958-59, je travaillais comme le petit garçon qui cherche les nouvelles pour les vétérans qui jouaient au poker. Et moi, j'allais chez les vétérans du journal, vous voulez dire? De tous les journaux, puisque c'était le quartier général des journalistes dans la maison de la police, n'est-ce pas? Alors, je connaissais les lieutenants de police, etc. J'y allais tous les 15 minutes chercher des rapports sur les événements. Puis, je revenais lire les rapports pour demander aux vétérans qui jouaient au poker ce que c'était qu'une nouvelle. Et 9 fois sur 10, j'avais tort. Ce n'est pas évident ce que c'est qu'une nouvelle. C'est-à-dire, ils avaient leur propre conception qui n'était pas la vôtre de jeunes garçons, comme vous dites, oui. de ce qu'était une nouvelle. C'était quoi leur conception d'une nouvelle? C'est quoi une nouvelle, alors, pour eux, par exemple? C'est évident. Moi, on était spécialistes des meurtres, toutes sortes de crimes. Ça, c'est évident. Mais ça variait d'après les quartiers de la ville, d'après l'importance des personnages et aussi des préjugés qui concernent la femme, les citoyens. Je vous donne un exemple. Une fois, je suis allé au lieutenant et il s'appelait squeal sheets, c'est-à-dire des rapports sur des plaintes téléphoniques, etc. Toute une pile, une tasse de squeal sheets. J'ai feuilleté pour savoir s'il y avait quelque chose de bon. Et je suis tombé sur un squeal sheet merveilleux. Il s'agissait de meurtres, de viols, de toutes sortes d'attentats horribles. Au lieu d'aller directement au poker, je suis allé directement au département d'homicide. Parler au lieutenant, je lui ai dit, mais monsieur, c'est magnifique, cette violence. Il m'a pris le squeal sheet, il l'a lu et il m'a dit, petit enfant, tu as complètement tort. Ce n'est pas une nouvelle. Pourquoi ? J'ai demandé. Vous voyez là, derrière les noms des personnes concernées. Qu'on a concernées, la lettre B. Et je ne m'apercevais pas qu'il y avait toujours une lettre derrière les noms des personnes, soit B, soit W. B, ça veut dire noir. et les attentats, la violence chez les Noirs n'étaient pas des nouvelles. Tout était comme ça, passé à la crible du racisme qui était partout à cette époque-là. Les nouvelles ne concernaient que les Blancs. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez peut-être évolué vis-à-vis de votre rapport au journalisme. Et quand il s'est agi de choisir, au moment où vous faisiez vos études, vous avez abandonné le journalisme pour l'histoire. L'histoire très particulière de l'édition, et en particulier de l'édition séditieuse au XVIIIe siècle. En quoi cet apprentissage du journalisme vous a-t-il servi plus tard, Robert Danton, quand vous êtes plongé pour tout un tas d'ouvrages, dans la publication de nouvelles vraies ou fausses au XVIIIe siècle? Eh bien, je ne sais pas trop bien répondre. J'aime le concret, j'aime les archives, j'aime tout ce qui est, ce qui a un certain parfum du vécu. Alors, vous savez, la France, c'est le paradis pour les historiens à cause non seulement du vin, de la beauté, mais des archives, les archives merveilleuses. Donc j'ai commencé, c'était en 64, non, 62 à la Bibliothèque nationale. J'ai été terrifié par les catalogues, très compliqués, etc. Et ensuite, je suis allé aux archives nationales, magnifique, mais on voit un carton qui arrive sur le pupitre et on l'ouvre et on trouve des dossiers. Et que faire avec ces dossiers? Il faut savoir en tirer... Le meilleur. En tirer un récit. Ah. Créer non seulement de l'information, mais la narration qui donne un sens à une centaine de lettres dans plusieurs dossiers. Et ça, je trouve fascinant. Donc, la richesse des archives, d'abord en France, ensuite en Suisse, à Neuchâtel, où j'ai beaucoup travaillé depuis 65, ça m'a transporté dans un autre monde. Et c'est surtout le monde de l'information, de la communication qui m'a fasciné. Et d'ailleurs, on sait bien depuis la naissance du journalisme moderne au milieu du 19e siècle qu'il y a une concurrence entre le journalisme qui naît en même temps que la discipline historique. En tout cas, en France, c'est le cas. Aux alentours de 1830, 1840, on voit naître à la fois une discipline historique qui se structure et de l'autre côté, un journalisme qui lui aussi se met en place et se structure, et une sorte de concurrence sur ce qu'est la vérité. L'un, l'historien, recherche la vérité des temps peut-être un peu plus anciens, l'autre, le journaliste, prétend rechercher la vérité du moment où il est en train d'écrire. Et il faudra un très long temps, en tout cas en France, c'est-à-dire les années 70, 1970, 1980, pour que les deux professions finissent par accepter de travailler ensemble, parce qu'elles étaient plutôt en concurrence, et c'est la naissance de ce qu'on a appelé l'histoire immédiate, par exemple, avec Jean Lacouture, ou l'histoire du temps présent qui fait que on peut appliquer les méthodes historiennes à une histoire extrêmement récente. C'est vrai que ces deux professions ont longtemps été en concurrence, Robert Danton, journalisme et histoire. Oui, il me semble, mais si nous prenons l'exemple de l'histoire démographique, qui est très développé en France. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas un phénomène que voit directement le journaliste. Donc, les historiens de l'École des Annales qui ont trouvé des structures démographiques telles que Pierre Goubert, j'estime, moi, que c'est un autre travail très loin du journalisme. Alors, vous avez travaillé donc sur ce journalisme du XVIIIe siècle, c'est libelliste en particulier, et le livre Le Diable dans le Bénitier, paru il y a quelques années en France sur l'art de la calomnie, s'intéresse particulièrement à cette catégorie de personnages qui n'hésitent pas, et c'est là où c'est intéressant, à mélanger vraies et fausses nouvelles dans une même publication, et même parfois dans une note en bas de page. Certains d'entre eux peuvent dire « la moitié de cette nouvelle est vraie », mais on ne sait pas de quelle moitié oui. Il s'agit, Robert Danton. Oui, exactement. Ça se trouve dans un livre remarquable qui s'appelle « Le Gastier Cuirassé ». C'était un gastier à Londres, cuirassé, pour se protéger contre les espions et les flics parisiens. Et c'était un personnage curieux qui s'appelait Charles Thévenot de Morande. et le sous-titre est « Anecdotes sur la cour de France ». Donc, il rédigeait des anecdotes qui se suivent les unes aux autres, mais sans fil de narration, une série d'anecdotes. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'une anecdote ? Le mot nous paraît évident, mais au XVIIIe siècle, il avait un autre sens. Si vous cherchez dans le dictionnaire de l'Académie française ou dans l'encyclopédie au mot anecdote, ça veut dire histoire secrète. Oui, parce que cela remonte à Procope. Oui. Et aux anecdotas de Procope. Donc, celui qui était à la fois celui qui faisait l'histoire officielle de l'empereur Justinien à Byzance. Oui. Mais qui, en même temps qu'il faisait une histoire officielle, écrivait une histoire officieuse, licencieuse, pourrait-on dire, en tout cas, qui traitait de la vie sexuelle des grands de l'Empire byzantin. Et ce nom s'appelait Anecdota en grec, et c'est peut-être de là que venaient ces anecdotes de la cour de France. C'est cela, Robert Danton ? Oui, exactement. Donc l'idée d'anecdote, ça remonte très loin dans le passé, et ce sont autant de fausses nouvelles, si vous voulez, ou à moitié fausses nouvelles. Donc, cette note en bas de page, la moitié de cette anecdote est vraie. Donc, c'est au lecteur de choisir. Et c'était un jeu entre l'écrivain, l'auteur et le lecteur. Et ça donnait dans une certaine idée de la lecture de cette époque-là. Et vous rappelez que si ce gazetier cuirassé s'appelle ainsi, c'est parce que la Gazette de France est une invention française, 1631, oui. Qu'on invente un type de journalisme. On dit souvent que c'est le père du journalisme en France, mais c'est un journalisme très révérencieux, oui. Qui n'a rien à voir avec le journalisme qui va se développer au XVIIIe siècle à Londres. Et puisque le gazetier cuirassé est publié à Londres par un Français, eh bien, il prend des privautés, des libertés que les Français ne prennent pas sur le territoire métropolitain, le territoire du Royaume de France. Oui, exactement. À cette époque-là, à Londres, il y avait 9 quotidiens. 9. Il n'y avait pas un seul à Paris. Le journal de Paris a paru pour la première fois, si je me souviens bien, en 1775 ou 76. Donc le quotidien est quelque chose de neuf pour la France. Et la Gazette officielle donnait des informations sur les baptêmes des enfants du roi, etc. Sur les traités, je veux bien, parfois sur les batailles, mais pas sur les rapports de force, ni sur la vie intérieure dans les corridors du pouvoir. Et c'est ça qui fascinait le public. Et qui fascinait le public de plus en plus tout le long du XVIIIe siècle. Oui, d'une certaine façon, il y avait comme une soif d'information, dites-vous, oui. Dans la France du XVIIIe siècle, qui n'était pas rassasiée, qui n'était pas abreuvée par les informations qu'il pouvait trouver dans ses journaux officiels, c'est vraiment comme ça qu'on pouvait les appeler, censurés, contrôlés par le pouvoir en place, Robert Danton. Oui. Il est vrai qu'il y avait une presse étrangère, la Gazette de l'Aide, le journal de Bruxelles, etc. Et là, on trouvait quelques renseignements, notamment sur les affaires des parlements, mais ces journaux étrangers étaient censurés aussi. Il suffisait de couper l'abonnement et donc la circulation devenait impossible. Donc, comment s'informer? Comment savoir vraiment quel était le jeu entre des rivaux dans le gouvernement, etc. Eh bien, il y avait des méthodes, comme, par exemple, on allait à l'arbre de Cracovie, dans le jardin du Palais Royal. C'était un arbre où se réunissaient tous les gens qui étaient fascinés par les nouvelles politiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un régime de l'information très différent en France de celui qui existait, par exemple, en Grande-Bretagne, exactement à la même époque, mettons, aux alentours de 1750. Oui, c'était différent puisque le journalisme était déjà très développé à Londres. Pourtant, il y avait des coffee houses, des cafés à Londres où les nouvelles commençaient à circuler. Il y avait ce qu'on appelait des paragraph men, des hommes à paragraphe qui ramassait tous les bruits, tous les potins, les rumeurs, etc., et qui rédigeait un seul paragraphe sur un bout de papier qu'il laissait dans chez des compositeurs des gazettes. Et si vous voyez un journal anglais de cette époque-là, c'est une série de paragraphes qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Il n'y a pas de narration, mais des anecdotes. Et mais néanmoins, ça signifie que le pouvoir en place à Londres, le roi qui gouvernait l'Angleterre à ce moment-là, ne s'inquiétait pas des mêmes rumeurs qui pouvaient courir sur lui que celles qui couraient à Paris en même temps, sous Louis XV ou sous Louis XVI ? Ça dépendait des ministres et des rois. Mais sous Georges III, lui ne s'inquiétait pas du tout. Les ministres qui pouvaient se plaindre auprès des tribunaux ne le faisaient pas parce que c'était un événement public. Il fallait nier telle ou telle fausse nouvelle tout en s'exposant à encore plus de bruit. Alors les grands aristocrates qui dominaient la politique de cette époque-là se disaient « mieux vaut rester silent ». Et le journalisme à cette époque-là était d'une férocité incroyable, beaucoup plus dur que le journalisme d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs très intéressant, on va y revenir dans un instant avec vous, Robert Danton, parce qu'il y a différentes manières de combattre ces fausses nouvelles, ces nouvelles à demi-vraies ou à demi-fausses, et tous les pouvoirs ne sont pas d'accord sur la façon de les combattre. Le concerto pour violon en sol mineur, opus 8 d'Antonio Vivaldi. Nous sommes dans La Fabrique de l'Histoire qui débute une série d'émissions sur la fabrique de l'information en compagnie de Robert Danton, grand spécialiste de l'histoire de l'information au siècle des Lumières, mais pas simplement. Nous y reviendrons un peu plus tard avec lui. Alors vous nous avez très bien expliqué, Robert Danton, comment... dans un contexte comme celui de l'Angleterre du milieu du XVIIIe siècle, il était difficile pour un ministre ou pour une personnalité de critiquer ou de combattre directement, publiquement, ceux qui le diffamaient. Qu'en était-il pour la France au même moment ? Parce que effectivement, ces libelles qui pouvaient être composées aux Pays-Bas, qui pouvaient être composées en Suisse ou à Londres, circulaient sur le territoire de France, bien qu'ils fussent interdits, Robert Danton. Oui, la grande différence entre Londres et Paris, c'est que Londres n'avait pas vraiment de la police. Il y avait des puissances, bien sûr, des sheriffs, je veux bien, mais Paris avait la police la plus développée de l'Europe. C'était la modernité. Et le lieutenant général de police disposait de peut-être 3000 espions. Dès que on commençait à parler de Madame Dubarry dans un café, on était espionné. Et si vous consultez les archives de la Bastille, vous verrez des centaines d'affaires où telle personne qui parlait mal de la maîtresse du roi, du ministre de la maison du roi, etc., était invitée à monter dans une carrosse à cause d'une histoire, etc. Et là, paf, il disparaissait dans la Bastille. On lit les interrogatoire des prisonniers de la Bastille, c'est fascinant, parce que la police s'intéressait à l'information, pas simplement à opprimer le peuple. Non, il fallait contrôler l'information. Oui, c'est ce que vous aviez raconté en 2014 dans ce magnifique livre pour lequel vous étiez venu à la Fabrique de l'Histoire, qui s'appelait « L'affaire des 14 », ce dossier donc retrouvé à la bibliothèque de l'Arsenal, qui tente de traquer l'auteur lointain d'une strophe. C'est même pas une strophe, c'est un vers d'une chanson qui parle de la noire furie. Et ce vers de chanson, quelqu'un dans l'entourage du roi dit il faut savoir qui en est l'auteur et on va traquer comme cela toutes les personnes qui sont susceptibles dans les cabarets d'avoir soit relayé, soit inventé cette chanson qui est un déshonneur pour le souverain. Exactement. Donc la chanson était comme un journal. Et à mon avis, tout Paris chantait. Il y avait des chansonniers professionnels sur tous les coins, dans les rues, mais aussi les gens qui travaillaient en chantant. Alors il faut, à mon avis, imaginer un Paris où l'air était bourré de musique et on improvisait des vers d'après des airs connus, comme la béquille du père Barleba, par exemple, grand favori. Des timbres, comme on pouvait appeler ça. Des timbres. Voilà. Même chose pour les ondits, pour les ponts neufs, pour les potins, les commérages, etc. Paris baigné dans l'information, et l'information passait par plusieurs moyens de communication. La chanson, le pont neuf, l'écrit et l'imprimé. Oui, alors cette information avait, dites-vous, tout de même quelques caractéristiques communes. Il y avait des attaques contre les gens qui étaient en haut dans la société, les aristocrates, contre les impôts qui étaient trop élevés, contre les ministres qui étaient forcément corrompus, contre les maîtresses de ces ministres qui étaient forcément immorales, contre l'incompétence de l'entourage du roi pour ce qui concernait la politique et en particulier la politique étrangère, etc., etc. Il y avait quelques thèmes qui étaient des thèmes favoris qui tournaient comme cela à l'intérieur de la société parisienne, des informations qui circulaient, mais sur un fond qui était ce fond, disons, de méfiance vis-à-vis de ce gouvernement qui voulait tout contrôler. Exactement. Et des thèmes principaux, par exemple, despotisme. Le mot despotisme revient toujours, ou décadence. Je vois donc une sorte d'esprit public, notamment à Paris, où le souverain était un despote entouré d'aristocrates, décadents, etc. D'imbéciles même parfois. On devait les considérer comme des imbéciles parfois. Oui, bêtes, imbéciles, décadents, de mœurs infâmes. C'était toute une mythologie assez importante, mais les gens, le public n'était pas si naïf que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains de ces libelles politiques, on peut suivre les combats de partis à la cour, n'est-ce pas ? On peut s'imaginer un monde où le pouvoir est contesté. Donc c'était très loin d'être simple. Vous voulez dire que quand un directeur de cabinet qui n'est pas satisfait aujourd'hui de son sort envoie une information contre un autre directeur de cabinet d'un autre ministère au canard enchaîné. Ça peut ressembler à ce que l'on pouvait comprendre de ce qu'était cette circulation de l'information de haut en bas, de bas en haut et de haut en haut aussi entre les partis qui entouraient le roi. Tout à fait. Par exemple, j'ai beaucoup étudié la chute du ministre Maurepas en 1749. Et tout le monde était d'accord parmi les gens informés à la cour, au gouvernement. Pourquoi cette chute? À cause des chansons. Et ce n'est pas si absurde que cela, puisque Maurepas était connu pour laisser partir des vers, etc., contre Madame de Pompadour, qui était comme le chef du parti contre Maurepas. Mm. Même chose sous Louis XVI, le parti Necker contre le parti Calonne. Et une fois que Calonne s'est installé au contrôle général, il y avait des neckeristes qui l'attaquaient et des soi-disant patriotes comme Lafayette qui minaient son pouvoir tout en faisant circuler des pamphlets, des mauvais bruits, etc. Calonne était vu comme un despote, tandis que son programme était très favorable au peuple. Oui, alors c'est très étrange parce que on comprend bien qu'un pouvoir qui se veut autoritaire tente de contrôler la circulation de l'information sur son propre territoire et qu'il met en œuvre ces espions dont vous parliez tout à l'heure, Robert Danton, pour éviter que ne circulassent des bruits à l'intérieur de la société. Mais il va plus loin, ce pouvoir, puisqu'il va envoyer de l'autre côté de la Manche, en particulier, receveur, mais aussi son adjoint, oui. Qui est d'ailleurs un personnage assez extraordinaire, son adjoint, parce qu'il a lui-même participé, donc Pierre-Ange Goulard a participé à la fabrication de Libelle. Il est déjà très âgé à ce moment-là, il a 75 ans, et il va en 1783 participer à la chasse à tous ceux qui étaient auparavant ses propres confrères et qui faisaient la même chose que lui. Oui. Là, il va devoir essayer de les convaincre à la fois d'arrêter leur libelle, mais peut-être aussi de les détruire carrément lorsqu'ils ont déjà été publiés, Robert Danton. Oui, il fallait des professionnels qui savaient, eux, parler avec les libellistes. Vous voulez dire, c'est Vidocq oui. travaillant avec ses anciens collègues donc du côté du crime. Donc, voilà. Exactement. Et plus tard, l'inspecteur de la librairie, donc un poste très important qui concernait tout ce qui circulait en imprimé, était un certain Goupil. Et Goupil, qui arrêtait les auteurs, qui les embastillait, faisait saisir des envois de livres, etc., lui-même faisait donner à écrire des libelles et en profitait. Donc, il payait un auteur pour écrire un libelle contre telle maîtresse du roi. Ensuite, il le faisait imprimer à Liège ou à Bruxelles. Il suivait les envois qui arrivaient. Il confisquait une partie seulement pour démontrer à quel point il était efficace et il vendait le reste. Et cela, le lieutenant général de police, Lenoir, finalement, l'a découvert, l'a mis lui-même dans la Bastille, et il y a tout un interrogatoire fascinant du sieur Goupil à la Bastille, le chef de la librairie embastillée. Oui, parce que ce receveur, par exemple, qui est envoyé à Londres pour tenter de corrompre ceux qui propagent de fausses nouvelles sur la personne du roi, mais aussi surtout son entourage, et va faire un rapport que vous transcrivez dans Le Diable dans un bénitier, Robert Danton. Et dans ce rapport, il dit « Je m'étais de dire que le libelle fait par le sieur Pelleport, dont j'ai déjà parlé, devait être périodique, à l'imitation d'un papier anglais intitulé Le Rumbler, qui annonce toutes les anecdotes licencieuses, fausses ou vraies, et que je pense que cet homme affreusement méchant fera passer en France par la voie de Hollande, pays dans lequel, et surtout à l'aile où il a été attaché pendant quelque temps dans les bureaux de monsieur le duc de la Vauguyon, il a beaucoup de connaissances. » Donc en fait, ils étaient tous un peu persuadés que c'était comme tenter de boucher diverses voies d'eau dans un même bateau. C'est compliqué il y a une voie d'eau, on peut l'interrompre, mais quand il y en a plusieurs, ça devient très complexe en l'occurrence. Et là, les voies d'eau étaient très nombreuses, Robert Danton. Oui. Et il faut, me semble-t-il, souligner la complexité du phénomène, parce que on ne pouvait pas simplement opprimer, étouffer l'information. Au contraire, donc, la police avait aussi ses libellistes. Il y avait les gazetins de police. Et là. Qui étaient payés pour pouvoir faire le même travail, mais en faveur de... En faveur jusqu'à un certain point, voilà. Puisqu'il fallait convaincre le public que c'était des gazettes authentiques. Donc, on laissait percer certaines informations, mais tout en détruisant le reste. C'était très étudié de la part de la police et ils étaient intelligents, ces gens-là. Oui, et c'était surtout la difficulté pour... Il y avait surtout une difficulté pour le public à s'y retrouver. Qui était crédible dans cette foire de l'information où les informations à demi vraies, à demi fausses, au quart vrai, au quart fausse circulaient sur le Pont Neuf, dans les librairies, sous le manteau, etc. Robert Danton, c'est compliqué de s'y retrouver. C'était même très compliqué, mais c'était fascinant. Donc ça donnait lieu à des entretiens. Il y a deux ouvrages de Mercier sur les entretiens. Louis-Sébastien Mercier. Oui, qui était très lu. C'était parmi les auteurs les plus considérés à la veille de la Révolution. Donc, les entretiens du Palais Royal, les entretiens du Jardin de Luxembourg. Et là, il nous donne comme des dialogues des étrangers qui se rencontrent, qui parlent du dernier pamphlet, qui parlent aussi des... commérage, tout le monde essaie de deviner ce qui a vraiment eu lieu et où vont les choses. Je ne dis pas que Mercier a traduit parfaitement les entretiens, mais il donne le parfum, le saveur de ces entretiens qui étaient partout. Vous expliquez à un moment... votre grand homme, ou un de vos grands hommes, c'est Brissot, évidemment, oui. Sur lequel vous travaillez depuis maintenant très très longtemps, grand révolutionnaire, chef du parti des Girondins pendant la Révolution française, et qui a commencé comme libelliste. Et vous expliquez que à un moment, il est employé pour, avec au-dessus de son épaule, un homme de Vergennes, donc un chien de garde qui s'appelle Aubert, pour caviarder, pour couper dans un journal qui s'appelle Le Courrier de l'Europe, qui vient d'Angleterre, oui. Mais dont le propriétaire est assez complaisant vis-à-vis du Royaume de France et tout compte fait, qui accepte une sorte de censure. Et c'est Brissot qui va s'y mettre, d'après ce que j'ai cru comprendre en vous lisant. Mais Brissot va ensuite devenir, parce qu'il va comprendre ce que c'est la circulation de l'information, ce qu'est une vraie, une fausse, une demi-fausse nouvelle, oui. Il va devenir un des pires libellistes qu'a connu le Royaume de France. Pire, je ne dirais pas. Il a écrit quelques pamphlets, etc. Voilà, mais il s'est présenté comme philosophe, comme un penseur important, notamment dans le domaine de la jurisprudence. Mmh. Ceci dit, il était... subventionné par Étienne Clavière, un Genevois banquier. Et Clavière jouait sur la baisse des actions. La compagnie des eaux, la compagnie des assurances, comment faire baisser les actions dans l'avenir? Eh bien, en publiant des pamphlets qui exposent le peu de fonds de ces compagnies-là. Alors, j'ai trouvé dans les archives nationales, les comptes de Clavière qui subventionnaient Brissot et qui spéculaient sur la baisse. Et ils spéculaient contre les haussiers, parmi lesquels se trouvait Beaumarchais, qui était le pamphlétaire le plus important pour la Compagnie des Eaux, mais aussi le ministre Calonne. Ministre des Finances, contrôleur général des Finances. Qui lui-même spéculait. Exactement. Donc, vous voyez, cela menait directement à une attaque contre le gouvernement à un moment très difficile. Et il engageait Mirabeau lui-même. Donc, dénonciation de l'agiotage était un pamphlet signé par Mirabeau, parmi les plus puissants pour faire tomber le ministère à cette époque-là. Oui, ça veut dire aussi qu'il y a toujours un lien entre l'information telle que vous la voyez et l'argent. Parce qu'on n'a pas évoqué comment ceux qui sont des vrais libellistes très violents et très méchants, comme disait Receveur dans son rapport, ils sont juste là pour faire de l'argent, pour pouvoir tirer profit de telle ou telle nouvelle, en lancer une qui leur permettra de gagner encore plus, etc. Et là, en l'occurrence, c'est un autre type d'argent. Là, c'est plutôt de la spéculation de très haut vol au niveau du gouvernement. Mais l'argent est toujours lié à cette circulation de l'information au XVIIIe siècle, et j'imagine encore aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Et les éditeurs n'étaient pas inspirés par la philosophie, ils étaient là pour gagner de l'argent. Alors je suis en train de relire les archives des maisons d'édition partout en Suisse, mais aussi aux Pays-Bas, etc. Et ce qu'on voit, c'est la soif de l'argent. Publions ce qui se fait payer. Par exemple, il y avait un libraire de Soissons qui disait: le meilleur livre pour un marchand de livres, c'est un livre qui se vend. Oui. C'est l'argent. Un éditeur a dit, l'argent, c'est le grand mobile de tout. Alors, je vois là un marché ouvert à la demande littéraire. Et je m'efforce de cerner la demande littéraire, même de calculer quels étaient les livres les plus demandés, les genres les plus populaires, les auteurs les plus en vue, etc. Et tout cela parce que, malgré la censure en France, malgré le pouvoir important de la communauté des libraires et des imprimeurs de Paris, il y avait quand même la demande qui pénétrait jusqu'aux éditeurs autour de la France qui imprimait et vendait des livres. Donc le livre imprimé, aussi bien que les libelles et que les bris publics, que les chansons, faisait partie d'un système d'information que je trouve fascinant. Système d'information, mais aussi système économique, pourrait-on dire. Et ça, c'est ce que vous avez toujours voulu démontrer dans tous vos travaux, Robert Danton. C'est que derrière l'idée que l'on propage des idées, oui, mais il faut aussi faire de l'argent, gagner de l'argent. Il faut aussi que les auteurs et évidemment Beaumarchais au premier chef et bien d'autres puissent vivre de leur plume. Et donc il y a toujours ce système qui doit permettre à des auteurs d'écrire, de vivre de leur plume et de propager des idées en même temps. Mais il ne faut jamais séparer l'un de l'autre, Robert Danton. Oui, si on prend l'exemple de Voltaire. Il est vrai que pendant sa vieillesse, Voltaire ne s'intéressait pas à gagner de l'argent par ses écrits. Que voulait-il faire ? Écraser l'infâme. Tout à fait remarquable, mais il savait manipuler le marché, il savait la soif de l'argent chez les éditeurs, chez les passeurs de livres, chez les libraires. Donc j'ai trouvé que Voltaire se prêtait à la contrefaçon de ses propres ouvrages. C'était une façon, un moyen de multiplier les livres sans gagner de l'argent, mais en faisant gagner l'argent aux autres et en répandant sa philosophie. Qu'est-ce que vous avez retiré ou qu'est-ce que vous tirez de cette connaissance intime de ce système de l'information tel que vous nous l'avez décrit depuis le début de cette heure pour comprendre le système de l'information contemporain ? Est-ce qu'il y a des passerelles ou est-ce qu'au contraire il est extrêmement différent ? Et c'est-à-dire, est-ce que ce que vous avez vu de ce mélange d'argent, de pouvoir, d'influence par exemple, vous sert à analyser le monde contemporain ? Du temps de Twitter, de Facebook, de Netflix et de tous les autres moyens d'information que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je ne prétends pas maîtriser ce sujet complexe, mais il y a des aspects qui me semblent importants. Comment les décrire ? Je prends un exemple. L'importance de la vie privée des hommes publics ou des femmes publiques. Au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de libelles, de livres, de toutes sortes de publications qui concernaient les gens en vue, les figures très connues et même célèbres. Même chose aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est la domination des journaux par ce personnage que je n'aime pas évoquer, mais qui est dans toutes les bouches, Donald Trump. Il est partout et tout le monde est fasciné. La personnification du personnage. Exactement. Et les récits sur sa vie secrète, ces anecdotes que pourrait écrire un Procope moderne sur Donald Trump. C'est ce que nous voyons en tous les cas. Oui, et les lecteurs sont toujours fascinés par quelle démarche absurde va faire Donald Trump, etc. Et cela sans faire assez d'attention aux idées et aux questions politiques proprement dites. C'est plutôt le caractère de cet homme extravagant qui fascine le public. Je vois la même chose au XVIIIe siècle. Vous voulez dire quelqu'un qui sait maîtriser, il le sait lui-même, Donald Trump, et peut-être nos dirigeants en France le savent-ils aussi à propos de leur propre image publique, maîtriser leur image publique pour pouvoir jeter en pâture suffisamment pour qu'on puisse discuter de tel ou tel animal récupéré au salon de l'agriculture par notre président, par exemple, ou discuter de supposées séances sexuelles de Donald Trump, plutôt que de discuter de la politique, c'est ce que vous voulez dire, oui, Robert Linton? Je suis de cet avis, il ne faut pas exagérer, mais quand même, j'ai passé quelque temps en Turquie, Erdogan domine les médias, il est tous les jours, il fait, je ne sais pas, 4 ou 5 discours par jour, il est partout. Il domine absolument. Et je pense que pour les Turcs, c'est le personnage qui est la clé de tout le système. Donc la vie privée des hommes publics est au cœur des deux systèmes d'information. Merci beaucoup Robert Darnton d'être venu pour ouvrir cette série d'émissions consacrée à la fabrique de l'information. Et demain, nous allons diffuser un documentaire signé Séverine Yatard et Thomas Duterre sur une autre affaire Dieudonné. Il s'appelait Eugène Dieudonné et c'est un grand du reportage, Albert Londres, qui va raconter sa visite au cachot de l'île Saint-Joseph, une entrevue avec Dieudonné de la bande à Bonneau qui va remettre en avant cette figure de Dieudonné qui sera au cœur justement d'une affaire d'information dans les années 20 en France. Un extrait de ce documentaire. Notre enquête au bagne. Une visite au cachot de l'île Saint-Joseph. Une entrevue avec Dieudonné de la bande à Bonneau par Albert Londres. Le Petit Parisien, 18 août 1923. On constate d'abord que c'est en une du journal, que c'est avec un gros titre, Notre enquête au bagne, une enquête qui se prolonge de jour en jour, que c'est un véritable feuilleton. Le tout est illustré et l'idée évidemment c'est de tenir en haleine le lecteur pour qu'il achète tous les jours le journal en kiosque et pas le concurrent. Ce qui est intéressant avec le cas Dieudonné, c'est que quand il réapparaît au cours des années 20, donc sous la plume d'Albert Londres, mais aussi de Louis Roubaud pour le quotidien et également dans Paris Soir, hein, puisque d'autres journalistes recommencent à s'intéresser à son cas, à chaque fois on a une suture, une filiation, un lien qui est créé avec l'affaire de la bande à Bonneau qui a fasciné autant qu'effrayé l'opinion publique dans les années 10. À travers cette réactualisation, on va mettre en valeur la figure d'Eugène Dieudonné, qu'on va progressivement exploiter sous un nouvel angle, celle de la victime de l'erreur judiciaire. Mais au départ, chaque titre de reportage consacré à Eugène Dieudonné va mobiliser la mémoire du fait divers sanglant, la mythologie de la bande à Bonneau. Les premières photos apparaissent dans les quotidiens en 1903, en ce qui concerne le Petit Parisien. Alors, ce ne sont pas des grandes photos comme on va les avoir dans les années 30 avec Paris Soir. Ce sont encore des portraits, des scènes un petit peu figées, où le texte quand même, qui est un texte sur 6 colonnes, occupe toute la une. Il y a des tirages considérables, il faut vendre de manière considérable aussi. Il y a les crieurs qui continuent à œuvrer dans les années 30. Et donc tout le monde lit le journal. Le journal, et parfois deux journaux, parce qu'il y a des journaux du matin, il y a des journaux du soir. Bon, et quand on est en province, il y a le quotidien national, il y a le quotidien de province. C'est-à-dire que 90% des gens lisent le journal dans les années 20 ou dans les années 30. Un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire, signé Séverine Yattard et Thomas Duterre, avec les analyses de Christian Delporte, Sophie Desmoulins, Dominique Khalifa et Frédéric Lavignette autour de l'affaire Eugène Dieudonné. Mercredi, nous traiterons du temps nécessaire à un pouvoir pour empêcher la mort du roi de circuler. C'est à propos des émeutes possibles après la mort d'un roi. Et jeudi, de la fausse information de la Gazette à Twitter. Merci à vous encore, Robert Danton. On attend à la rentrée la publication de votre dernier livre que vous avez écrit à Paris, comme d'ailleurs beaucoup d'entre eux. C'est autour de un tour de France littéraire, c'est cela ? Oui, il s'agit d'un commis voyageur qui a fait un véritable tour de France en vendant des livres, mais en espionnant les boutiques des libraires et en étudiant le marché littéraire. Toujours ce double jeu que vous décrivez dans la plupart de vos ouvrages, avec des acteurs qui ne sont jamais exactement là où ils pensent qu'ils doivent être. Ils ont toujours un double, voire parfois un triple rôle. Merci encore, Robert Danton. Je vous en prie. Comme d'habitude, une émission préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Audrey Guélil nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Notre adresse Twitter, c'est Fabrique FC. À demain.